Chapitre 12 de la délicatesse. Les gens délicats sont ceux qui, à chaque idée ou à chaque goût, joignent beaucoup d'idées, ou beaucoup de goûts accessoires. Les gens grossiers n'ont qu'une sensation. Leur âme ne sait ni composer ni décomposer. Ils ne joignent ni n'ôtent rien à ce que la nature donne, au lieu que les gens délicats dans l'amour se composent la plupart des plaisirs de l'amour. Polyxène et Apicius portaient à la table bien des sensations inconnues à nous autres mangeurs vulgaires. Et ceux qui jugent avec goût des ouvrages d'esprit ont et se font une infinité de sensations que les autres n'ont pas.